Heidi. Depuis la mort de ses parents, lorsqu'elle avait un an, Heidi, petite fille suisse, a été élevée par sa tante Dette, puis confiée par celle-ci à son grand-père, un vieil homme vivant en ermite dans les alpages suisses, où elle grandit heureuse parmi la nature. Mais voilà qu'un jour, sa tante Dette vient la rechercher pour aller habiter en ville. Et quand on a 8 ans, on est malheureusement obligé d'obéir. La fillette va-t-elle aimer cette nouvelle vie? C'est ce que nous allons découvrir. À la mort de son père et de sa mère, Heidi a été confiée à sa tante Dette. Cette jeune et robuste montagnarde s'en est toujours très bien occupée. Mais un jour, on lui propose une place chez des gens à Francfort. Que faire alors de la petite? Dette a une idée. Elle va confier l'enfant à son grand-père. Après tout, il n'a jamais veillé sur elle. Eh bien maintenant, c'est son tour. C'est ainsi que Dette, après avoir rassemblé les affaires de Heidi, la conduite à travers la campagne suisse. Seulement, la tante de la petite fille est préoccupée car elle craint beaucoup la réaction du vieil homme. En effet, il y a plusieurs années, il a fui le charmant village de Dörfli pour aller vivre tout seul dans la montagne. Et depuis, il est devenu encore plus renfermé et farouche qu'auparavant. Arrivé à mi-chemin, Dette et Heidi respirent déjà la bonne odeur de l'herbe des montagnes. Désormais, le sentier est abrupt et monte directement aux alpages. En cours de route, la petite fille fait la connaissance de Pierre le chevrier. Pierre a 11 ans et habite avec sa mère et sa grand-mère aveugle dans un chalet si vieux que lorsque le vent souffle un peu trop fort, tout craque. Les portes, les fenêtres et même les poutres du toit. Chaque matin, il descend chercher les chèvres à Dörfli et les conduit à l'alpage pour qu'elles broutent jusqu'au soir de la bonne herbe courte et drue. Enfin, après 3/4 d'heure de marche, Dette, Heidi et Pierre atteignent enfin le pâturage où se dresse le chalet du grand-père, là précisément où la vue embrasse toute la vallée. Le vieil homme est assis sur un banc. La pipe à la bouche et les deux mains posées sur les genoux, il les regarde tranquillement monter. En arrivant tout en haut, Heidi se précipite vers le montagnard et lui lance d'un ton joyeux « Bonsoir, grand-père !» Surpris par tant d'élan, le vieil homme répond d'une voix rude. « Que veux-tu ?» Pas du tout intimidé, Heidi affronte le regard sévère de son grand-père et regarde sa longue barbe et ses épais sourcils. Après avoir fait signe à Pierre de partir avec les chèvres, le vieil homme demande à Dette d'une voix sèche. « Pourquoi m'amènes-tu cet enfant ?»« C'est à vous de la garder maintenant. Je l'ai eu pendant 4 ans, j'ai fait ma part. » Et si la petite s'ennuie avec moi et commence à pleurer, que veux-tu que j'en fasse? Oh, c'est votre affaire. Personne ne m'a aidé non plus à la mort de son père et de sa mère. Maintenant, je dois partir travailler à Francfort et vous êtes le plus proche parent de l'enfant. Faites-en ce que vous voudrez. Si elle dépérit, c'est vous qui en serez responsable. Craignant la colère du vieil homme, Dette embrasse rapidement Heidi et dévale la montagne jusqu'à Dörfli. Sitôt la jeune femme partie, le grand-père s'assoit de nouveau sur le banc, tire de sa pipe de gros nuages blancs et fixe le sol sans dire un mot. Heidi, elle, est déjà en train de visiter l'étable à chèvres et écoute le vent gémir à travers les branches des sapins. Puis elle revient se poster devant le vieil homme qui lui demande d'une voix bourrue, mais néanmoins emplie de tendresse. Que veux-tu faire maintenant? Je voudrais voir ce qu'il y a à l'intérieur du chalet. Esquissant un sourire, le vieux montagnard se lève et pousse la porte du chalet. Il y a une grande pièce, et au milieu, une table et une seule chaise. Puis dans un coin, un lit, et en face, une armoire. En examinant la chambre, Heidi demande d'une petite voix « Où dois-je dormir, grand-père ?»« Où tu voudras !» Soudain, Heidi remarque une échelle dressée près du lit de son grand-père. Elle y monte et arrive au fenil, où près d'une meule de foin frais et odorant, se trouve une lucarne ronde, donnant sur toute la vallée. Émerveillée de la beauté du paysage, la fillette s'écrie « Je veux dormir ici. En plus, il y a déjà une couchette de foin. Grand-père, tu peux juste me monter un drap, s'il te plaît ?» Et aussitôt, le vieil homme va chercher un drap fait en grosse toile, puis un sac bien épais en guise de couverture. Ensuite, il allume un feu et sort de l'armoire un gros bout de fromage. Une fois le repas terminé, le grand-père s'occupe de nettoyer les tables des chèvres pendant que la petite fille saute et danse sous les arbres, écoutant la musique du vent dans les sapins. Alors qu'elle court autour du chalet, un coup de sifflet strident l'arrête. C'est Pierre qui rassemble ses chèvres et redescend du haut de la montagne. Arrivé au chalet, deux d'entre elles sortent aussitôt du troupeau et s'élancent lécher les mains du vieil homme, car elles savent que chaque soir, il les attend avec un peu de sel. Folle de joie, Heidi caresse les deux bêtes et dit en sautillant autour d'elles « Sont-elles à nous, grand-père ? Dorment-elles dans les tables ? Et comment s'appellent-elles ? » « Oui, petite, elles sont bien à nous. La blanche se nomme Blanchette et la brune Brunette. Tiens, va chercher une tasse et un morceau de pain. » Heidi se précipite vers l'armoire car elle veut absolument voir son grand-père traire Blanchette. La petite fille n'a jamais bu un lait aussi bon. Et quand le vieil homme lui demande d'aller dormir, elle ne s'est non plus jamais couchée dans un lit aussi douillet. Réveillée dès l'aube par un coup de sifflet, Heidi comprend tout de suite que Pierre vient d'arriver et qu'il va emmener Blanchette et Brunette en haut de la montagne. Pressée d'aller embrasser les chèvres, la fillette s'habille en quelques secondes et descend l'échelle de bois. Mais quand son grand-père lui propose d'accompagner le chevrier dans les pâturages, là, elle saute de joie. Et voilà les deux enfants grimpant gaiement côte à côte, suivis des chèvres. En chemin, Heidi est attirée dans toutes les directions. D'un côté, le sol est jaune de prime vert, de l'autre il est bleu de campanule, et partout des digitales et des gentianes inclinent leurs têtes au soleil. Désirant faire un bouquet pour sa chambre, elle ouvre alors son tablier et cueille des fleurs de toutes les couleurs. Soudain, elle entend un croassement aigu, suivi d'un cri perçant. Puis elle aperçoit un épervier qui tournoie au-dessus d'elle avant de disparaître derrière les rochers. Après avoir déjeuné, Heidi se remet à courir et à sauter joyeusement au milieu du troupeau, demandant à Pierre comment s'appelle chacune des bêtes. Et elle ne voit pas la journée s'écouler. Lorsque le soleil descend à l'horizon et qu'il est sur le point de disparaître derrière les montagnes, colorant le paysage de rouge et d'or, il est temps de rentrer. En revenant au chalet, Heidi a déjà hâte d'être au lendemain pour gambader au milieu des chèvres et les caresser, et revoir le soleil couchant enflammer les montagnes de ses rayons. Et quand elle s'endort, elle se met bien sûr à rêver des montagnes, du soleil, des fleurs et des chèvres. Depuis qu'elle vit au grand air, Heidi est devenue une petite fille joyeuse et heureuse comme les oiseaux. Et l'hiver a beau l'empêcher de courir dans la montagne, elle n'en garde pas moins sa bonne humeur. Maintenant que le vent souffle avec une force terrible dans les cimes des sapins, elle passe son temps sous les arbres à les écouter gémir. Aucune musique ne lui paraît plus agréable et mystérieuse. Cependant, un matin, elle se réveille très intriguée. Il a neigé toute la nuit et il lui est impossible d'ouvrir les fenêtres. Après avoir dégagé toutes les issues avec une large pelle, le grand-père s'installe en compagnie de Heidi au coin du feu, quand on frappe à la porte. C'est Pierre, le chevrier, qui vient leur rendre visite. Tout en lui désignant une chaise près du feu afin qu'il se réchauffe et l'invitant à partager leur repas, le vieil homme lui demande « Eh bien, mon garçon, comment vas-tu depuis que tu ne mènes plus les chèvres là-haut et que tu dois aller à l'école ?» Ignorant tout de l'école, Heidi pose alors de nombreuses questions. Ce qu'on y fait, ce qu'on y voit, combien de temps on doit y aller. Enfin, après avoir patiemment répondu à toutes les interrogations de la fillette et dégusté son morceau de lard, le chevrier s'apprête à repartir. Quand, revenant sur ses pas, il lui dit « Je reviendrai un de ces prochains dimanches, mais il faudra que tu viennes une fois chez ma grand-mère. Elle te réclame !» Impatiente de connaître la vieille dame, Heidi demande dès le lendemain à son grand-père de l'accompagner. Hélas, celui-ci n'a aucune envie de voir qui que ce soit et prétend à chaque fois qu'il y a bien trop de neige pour sortir. Mais c'est sans compter sur l'entêtement de la fillette. Et un matin, après avoir renouvelé sa demande, elle aperçoit le vieil homme en train de préparer le traîneau. Une fois qu'il est prêt, le vieux montagnard enveloppe délicatement l'enfant dans un grand sac et l'installe entre ses jambes avant de tirer sur la corde pour se diriger. La luge descend avec une telle rapidité que Heidi croit voler aussi vite que les oiseaux. Enfin parvenu à la maison de Pierre, le vieil homme dépose la fillette à terre et lui dit « Maintenant, entre, et quand il commencera à faire sombre, je viendrai te rechercher. » Heidi est à peine entrée dans le chalet que la grand-mère du chevrier lui pose de nombreuses questions sur sa vie. Voilà de longues années qu'elle n'a pas revu le vieil homme, et elle est tout étonnée d'apprendre qu'il est très gentil avec la fillette. Ainsi donc, cet homme ne serait pas aussi rustre que le prétendent tous les gens du village. Assise près de la vieille femme aveugle, Heidi raconte en détail tout ce que fait son grand-père pour elle. À son tour, la vieille femme lui confie sa crainte d'entendre un jour son chalet s'effondrer de vieillesse. À la tombée de la nuit, la fillette repart sans rien dire et retrouve son grand-père qui est venu la rechercher sur le sentier. Dès leur arrivée au chalet, elle lui annonce « Demain, il faudra que nous retournions chez la grand-mère de Pierre, mais tu prendras ton marteau et des clous parce que tout craque chez elle. » « Qui t'a dit ça ?»« Personne. Je l'ai vu moi-même. » « Rien ne tient plus dans cette maison, et quand la pauvre dame a peur que tout lui tombe sur la tête. Et Pierre est trop jeune pour tout réparer. Et pense, grand-père, elle voit toujours tout noir. Personne ne peut la guérir, excepté toi. » Devant l'air triste mais déterminé de Heidi, le vieux montagnard réfléchit en silence. Puis promet qu'il se rendra chez la vieille femme. Et c'est ainsi qu'à chaque fois que Heidi vient faire une visite à la grand-mère, le grand-père en profite pour effectuer les réparations qui s'imposent à l'extérieur de la maison. Passant ses journées dans la nature, Heidi ne voit pas les années passer. Mais au village, le pasteur, lui, s'inquiète. La petite fille approche de ses 8 ans et elle ne sait toujours ni lire ni écrire. Mais quand il décide d'en parler à son grand-père, celui-ci le reçoit vertement. Le vieil homme prétend, en effet, que sa petite fille vit très heureuse parmi les chèvres et les oiseaux et qu'il est hors de question qu'une enfant de cet âge monte et descende la montagne dans le froid hivernal juste pour aller à l'école. Et quand le pasteur propose au vieux montagnard de revenir s'installer à Dörfli, là il crie qu'il n'y remettra jamais les pieds. Devant une telle obstination, le pasteur repart, laissant le vieil homme à ses sombres pensées. 2 jours plus tard, alors qu'il tire sur sa pipe, à la porte du chalet, le vieil homme aperçoit Dette, la tante de Heidi. Arrivée à sa hauteur, elle lui explique toute souriante « J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Je suis venue reprendre Heidi. J'ai rencontré des gens très riches à Francfort qui sont prêts à la prendre chez eux. En effet, ils ont une petite fille paralysée qui s'ennuie terriblement. Et d'après la description que je leur ai faite de l'enfant, ils pensent qu'elle serait une bonne camarade. » Furieux de cette soi-disant bonne nouvelle, le vieux montagnard lâche d'une voix sèche « C'est tout ce que tu as à me dire comme bêtise? Va porter ta bonne nouvelle ailleurs !» À son tour, folle de rage, Dette réplique « On m'a tout raconté au village. Il paraît que vous ne voulez pas envoyer Heidi à l'école. Et moi, j'ai la responsabilité de cet enfant. Si vous désirez que l'affaire aille devant les tribunaux, elle ira !» À ces mots, le vieil homme rentre chez lui en claquant violemment la porte. Puis il se met à hurler. « Prends-la et corromps-la, mais que je ne vous revoie plus jamais !» Heidi ne veut pas quitter son grand-père, auprès de qui elle est si heureuse. Et elle ne peut imaginer vivre loin de la grand-mère de Pierre, qui a tant besoin d'elle. Mais elle doit se résigner à suivre sa tante. Après un voyage en train, Heidi et sa tante arrivent enfin à Francfort. puis sonnent à la porte d'une grande et belle maison. C'est là qu'habitent Clara et son père, M. Sesman. Hélas, la jeune malade ayant perdu sa maman et son père voyageant fréquemment, la direction de la maison est confiée à Mademoiselle Rottenmeier, une dame extrêmement sévère. D'ailleurs, Heidi et sa tante sont à peine entrées que la gouvernante, les deux mains posées sur la chaise roulante de Clara, examine d'un air méprisant la robe rouge et le chapeau de paille de la fillette. Puis elle demande d'une voix sèche : Quel est ton nom ? Heidi. Comment ? Mais ce n'est pas un vrai prénom. Si. Offusquée d'une telle arrogance, Mademoiselle Rottenmeier se tourne alors vers sa tante. Un peu gênée, celle-ci explique. Ne croyez pas que ma nièce soit mal éduquée. Elle dit simplement ce qu'elle pense. C'est la première fois qu'elle entre dans une maison de maître et elle ne connaît pas les bonnes manières, mais avec un peu de patience et d'indulgence, elle apprendra tout ce qu'il faut. Elle n'a que 8 ans. 8 ans ? 4 ans de moins que Clara ? Comment va-t-elle suivre l'enseignement du précepteur ? Puis, se tournant vers Heidi, la gouvernante demande. Mais qu'as-tu appris ? Quelle école as-tu suivi ? Aucune. Comment ? Tu n'as pas appris à lire ni à écrire ? Non. Mais que sais-tu donc ? Rien. Assise sur sa chaise roulante, Clara a tout entendu. Et à sa mine réjouie, elle semble avoir beaucoup apprécié les réponses spontanées de sa nouvelle camarade. Profitant d'une brève absence de la gouvernante, la jeune malade raconte comment se passent les cours du précepteur et met en garde Heidi de ne jamais rien lui demander. Car, paraît-il, plus il donne de détails, moins on comprend. Comme si elles s'étaient toujours connues, les deux fillettes discutent à bâton rompu jusqu'au dîner. Et bien sûr, toujours aussi rêche, Mademoiselle Rottenmeier ordonne à Sébastien d'apporter le repas. Hélas, Heidi a l'imprudence de tutoyer le cuisinier, si bien que la gouvernante en profite aussitôt pour lui donner toutes sortes d'instructions, sur la manière de se lever, de se coucher, d'ouvrir et de fermer une porte. Mais alors que Mademoiselle Rottenmeier s'attend à être bien comprise, elle s'aperçoit que la fillette s'est endormie sur le dossier de sa chaise. Le lendemain, quand Heidi se réveille, elle tire les rideaux de sa chambre et s'aperçoit, hélas, qu'il n'y a plus de montagne et que le soleil ne perce plus les sapins de ses rayons. De tous côtés, ce ne sont que les murs des maisons voisines. Soudain, ses tristes pensées sont interrompues par la dure voix de Mademoiselle Rottenmeier qui annonce le petit déjeuner. Si celui-ci se passe bien, il n'en est pas de même pour la première leçon donnée par le précepteur. Il y a subitement un tel vacarme dans la salle d'études que la gouvernante s'y précipite. Mais quand elle aperçoit tout le matériel scolaire par terre et trempant dans l'encre, elle vocifère. Quelle horreur ! Regarde-moi ça ! Le tapis, les livres, la corbeille à ouvrage, tout est dans l'encre ! C'est sans doute l'œuvre de cette créature de malheur ! Tandis que le précepteur contemple effrayé l'étendue des dégâts, Clara explique aussitôt. C'est bien Heidi qui a fait ça, mais elle ne l'a pas fait exprès. Il ne faudra pas la punir. C'est sans doute le bruit des voitures qui l'a effrayée. Et elle est partie si rapidement de la pièce qu'elle a entraîné le tapis avec elle. Relevant sa robe d'un geste nerveux, Mademoiselle Rottenmeier descend les escaliers et trouve Heidi, le nez collé à la fenêtre du salon. Elle lui demande brutalement. Que faites-vous ici au lieu d'être assise et d'écouter les leçons de monsieur le précepteur ? J'ai entendu le vent mugir dans les sapins, mais je n'en vois aucun. J'ai dû prendre le roulement des voitures pour le bruit du vent.